Hey, ezaka ka histoire biblico. Nzambe ya bato. Bato ya Nzambe. Et qui a une femme à toutes les femmes et qui a toutes les femmes n'a pas qu'une seule femme. Ah. Ton choix na yonini vraiment, vraiment. Ah. Na linga kasi lelo na souke. Na kousa bolingo, na fosse na ngayi depa. Tonton nyo sa se nga kangayi, na sala kango. Au nom de l'amour, kasi bongo e fosse. Ma calcul ya bolingo. Maman Nadine. Na linga mi pali, kasi lelo na souke. Enga mwana mama, na linga na ngayi kameleyo. Yazwa kalani nyoso ye hakomona. Epa inaye, selentere kitelo. Nakamwe. Pourquoi au pays de l'amour, esika na ngaye salakate tonton. Anike ngolondele. Tonton talatongwe kota nangana sananga kola mokave notomolai. Obaya DG. Amour na yo tonton et dévoiler les voiles de mon cœur. Maïna Zako Romela et Tonina parfait à solo yanzo tonayo. Tonton et Tonton yonde osali ennemi rapproche nanga. Tosa et langa kasi tosa na liti chaboli. Tonton et Octave Mbinyama SG. Et ça le cola, ba salakana Samson. Ba tobora ye miso, ba kata ye pesuki. C'est vrai trahison, na déception, habit de confiance. Oh, oh, oh, oh. Honorable Serge Bouillard. Tonton Yosali, être le plus cher de ma vie. Tonton et Marien Ganibaki. Tonton, yono kimi sakanga iba culte matina. Kiki le pétrolier. Yeba tonton, moto salaka pene ecclesia yenda salaka pene yanzambe ver. Emerosi kofunda. Ah tonton, soki na moni yoba sauce na ngaya nzoto etele makangui. Ado Passi, Blanchard et Tinga, Yvon Okomo, Dikarson. J'ai donné un tawapere. Pourquoi au pays de l'amour est-ce qu'on a gagné ça la cave tonton. Et Fred au canal l'homme. Ah tonton, yon a qui mis ça quand on a pas culte matina. Mandri qui tient fumo. Yéba tonton, moi toi ça la capene ecclesia yéna ça la capene yan sa mienfè. Tonton, soki na moni ya biloko na ngaya nzoto etele makangui. Martial Mont. Kena na pesi yo raison. Ouais. Si tika nga na bana troki. Kobali makama na koma pasi koleka mwasi. Mato ima mbongi ba pekisa yo pe yo kakate. Sala raisonnable, abominable. Babana na yo na koma pasi kise yo kiyo tega pelina. Hello Dati, Rolvi, Allah le pétrolier. Et tonton Moudia le Bouma. Tonton partout. Abouma Awa, Abouma Kuna. Laurent Tassani. Et tonton DG Okonza. Tonton partout. Abouma Awa, Abouma Kuna. Na eleki. Tonton Yebi Sanga, vous préférez na yogo nanye. Sorele o kanta ya linga yeba kuna ya. Uluka kanini pacheli la meto wa yeba. Mikuse milaini ino mitani nyoso se ya ya. Mbanda konyoso yo lingi se o okota. Oko kako yo kate filsi filipo azi. E tonton e rodon okwere. E tonton Ibarra tseke. Tonton partout partout. Jidite ngolo. Aboma awa aboma kuna. Et tonton Rebe Barabuda. Tonton partout partout. Aboma awa aboma kuna. Na ya mose bibiranda azalaka na chouette fallait un jour à tout la yeme nongo zalaka boye pour la nina le bio nongo je jure de ma jeunesse je suis encore jeune nga a oye bitenge monde se baby a le bio or tango nga na kendeke na système nga na beta kalo sambo hein nzambe yo a botine ma botine hein yo moto pesa moto boula ko sala botine na yo na komo kene ma kolongu ale pate la ngai na nzambe na botine yo ko pesa confiance na nani yo bo mingai na komi otela ya Jacques Basse Bisonza Maladie d'amour ya Chanel Milandu Bona yo tonton nanimi babe nanga fetiche sa boli Nganga boli ngoy ah, Dona o bambi mote ma divina plus Boli ngwe bo minga Boli ngwe pareni na hoke mae Boli ngwe bo mi akia na fonta De ikse linga ye tonton Ah, tonton Eh, hey, tonton Jis lenga koso Tonton bako bato Aboma awa, aboma kuna Pacho muluba Eh, hey, tonton Tonton bako bato Mata mosaka nangulu azamba kakaye Loko solo kuta etanda ye na monoko ardenzi langimbi Lelo epa ya nisi, lobi na denizia Sima lobi na ya shasha Sia! Mubala liyoto Cheri nangre ozande citron Lole munange meke confirme metre ngola za mubalie Enle a joke ozande enlilala Na susaka yo male meno kimine sarangai Gomona fulata yo mopepe Suki, bumbuli ngwe kuzi Simananga ibe moso vize Mama, yango na komine Kotrengale konzo valante Namule kanine Bumanga pokemona Pikachu Yango na komine Kolela lela e Christian Wadi Senga misholi dite siriake Hey, tonton Ale mapa Tonton patu patu Manido kuya Aboma awa, aboma kuna Gogo Adrien Hey, tonton Jean-Claude Okutana Tonton partout partout Aboma awa aboma kuna Na eleki Tekle Natacha kele tenka Mesme ibo vi prekre Reyano Nzangiso Patrick Ilo Bakima Edite Bourifié Viedakis Judas Yoka Papi Soun Guy Mordon Amea Matuel Sanga Bazo Chipé Rompala Ya Albin de Bonda Simplice et Genoni Oya Maman Stella Gotor SDV Siria Gobili Oya Berthe Rosine Bourongo Lovner Misala Et Tonton Tonton Bato Bato Alex et Guanjobo Aboma awa, aboma kuna Ya Faustin et Leli et Za Et tonton Ya César, Mfuma Bilele Tonton partout, partout Belinda Aïssa Aboma